Kerry James. Pardonne-moi si j'ai ignoré les bonnes choses. Demi-portion. Ignorer les bonnes choses. Pardonne-moi si j'étais paumé. Pardonne-moi si j'étais conné. Pardonne-moi si j'ai ignoré les bonnes choses. Ignorer les bonnes choses. Pardonne-moi pour toutes ces fautes commises, ouais. Sans repère, perdu quand on a plus de balises. Pardonne-moi si je parle avec toi de moins en moins. Oui, de chez moi, tu sais très bien qu'on a rien sans rien. On se contente, mais la vie m'a donné trop de choses. Voir des sourires, c'est comme si je gagnais le jackpot. On se dépasse, parfaite et l'hémorragie. Les mots réagissent, hardcore comme idéal J. Pardonne-moi si je t'ai menti un jour. Pardonne-moi, oui, pardonne-moi. Pardonne-moi quand ma colère était si lourde. Emmène-moi, oui, emmène-moi. Pardonne-moi si j'ai rien donné. Pardonne-moi si je t'ai tout volé. Pardonne-moi si j'ai ignoré les bonnes choses. Ignorer les bonnes choses. Pardonne-moi si j'étais paumé. Pardonne-moi si j'ai déconné. Pardonne-moi si j'ai ignoré les bonnes choses. Ignorer les bonnes choses. Regard glacial, visage figé. Contenu hivernal, sourire enneigé. T'as le sang en ébullition, mais le cœur gelé. La haine peut être une prison, la rancœur des barbelés. On peut pardonner sans oublier. On peut reculer sans plier. On peut donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Tout n'est pas avant. Enfin chacun sa vision, ses raisons, ses pulsions, ses addictions. J'ai vu des rancuniers implorer le pardon. Mais bon, on peut être entier, ça plaît demi-portion. Pardonne-moi si j'ai rien donné. Pardonne-moi si je t'ai tout volé. Pardonne-moi si j'ai ignoré les bonnes choses. Pardonne-moi si j'ai ignoré les bonnes choses. Pardonne-moi si j'étais paumé. Pardonne-moi si j'ai déconné. Pardonne-moi si j'ai ignoré les bonnes choses. Pardonne-moi si j'ai ignoré les bonnes choses. Ignorer les bonnes choses. Ignorer les bonnes choses. Pardonne-moi si j'ai ignoré les bonnes choses. Ignorer les bonnes choses. Ignorer les bonnes choses. Pardonne-moi si j'ai ignoré les bonnes choses. Pardonne-moi si j'ai rien donné. Pardonne-moi si je t'ai tout volé. Pardonne-moi si j'ai ignoré les bonnes choses. Ignorer les bonnes choses. Pardonne-moi si j'étais paumé. Pardonne-moi si j'ai déconné. Pardonne-moi si j'ai ignoré les bonnes choses. Ignorer les bonnes choses.